La bande du Parti pour la Corée du Sud libre, abandonnée par le peuple à cause de l'affaire d'abus politique de Bakounine, cherche à présent à gagner les jeunes pour maintenir le pouvoir. Le 21 février dernier, un parlementaire issu de ce parti a prétendu lors d'une conférence de presse qu'il est urgent d'offrir aux jeunes de l'emploi. Il a fait semblant comme s'il est son devoir de se charger de la solution du chômage des jeunes que Bakounine avait détourné pendant longtemps, tout en dévoilant son ambition de se présenter aux élections présidentielles.